Y'a plus de place à la zone, on zone, on fait du cash, la monnaie. Sinon dis-moi comment je vais manger. Me retiens, faut pas que tu pètes les plombs. Bitume, bénéfice, trahison. Combien de fois j'ai failli toucher le fond. Mais on tient le coup. T'es ma touche, j'ai fait 8 ans. C'est dans ton bloc que qu'on fout le feu. Rochetard plein de résine. J'ouvre le terrain à midi. J'le ferme à minuit. Charbon tous les jours. Charbon tous les jours. Fais le fou, j't'élimine. Fais des coups durs, j'hallucine. C'est cette mélodie qui résonne. Pom pom pom pom pom. La misère nous pourchasse. Comme la patrouille du Tchèque. La juge veut nous faire glisser. Y'a rien de pire que le manque de sous. Grande famille dans un HLM. Pauvre ce qu'il a servi. T'es soit le smic ou le terrain de chier. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Oh oui. On rafale en bas du bâtiment. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. On rafale en bas du bâtiment. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. Ça, tu veux tellement dans le bang. Ses voisins sont complices. Une rafale, tu te relèves pas comme Tupac et Biggie. Ton cœur, je l'ai conquis, donc j'en profite, oui. Je m'évade avec une bouteille de Jack et un gros joint d'huile qui me tabasse le cerveau. Je préfère me défoncer pour oublier. À quel point tu m'as déçu, mais c'est par soi-même qu'on est le mieux servi. À quel âge viens de servir des impacts de balles sur ton capot. Ça recommence encore, fin de vie de bâtard. Ça recommence encore, fin de vie de bâtard. Plus j'encaisse, plus j'ai de problèmes. Que de la haine retranscrit dans mes problèmes. Les ailes, mélodies. Grande famille dans un HLM, pauvre ce qu'il a servi. C'est soit le smic ou le terrain de chier. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Oh oui. Il me rafale en bas du bâtiment. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. Il me rafale en bas du bâtiment. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie. C'est cette mélodie.